J'suis dans une tourmente bizarre, ces derniers temps tourmente. Y'a des trucs que j'essaie de contenir, mais des fois tourmente. J'ai ni envie de parler, ni de sortir, ni de voir du monde. Pourquoi tu m'appelles? Tu sais très bien que j'ai pas à dire non. 3 mois que j'ai pas vu mon père, yeah. Avec lui j'suis plus trop en guerre. Le temps a bien fait les choses que j'ai pas su faire. Le paradis ressemble à l'enfer. Les gouttes sur le parapluie tombent sur la Montclair. Mes frères savaient que j'allais tout baiser, ils savaient la vision et le flair, yeah. Mon ex avait besoin de rêver, on se recapte un peu. Ça fait remonter les effets comme peu clos après juin 2. J'ai l'esprit tranquille jusqu'au jour où je fais plus un stream. J'aime les chansons douces tant que le pur a tipu la street, hey. J'suis dans une tourmente bizarre, ces derniers temps tourmente. Y'a des trucs que j'essaie de contenir, mais des fois tourmente. J'ai ni envie de parler, ni de sortir, ni de voir du monde. Pourquoi tu m'appelles? Tu sais très bien que j'sais pas dire non. J'suis dans une tourmente bizarre, ces derniers temps tourmente. Y'a des trucs que j'essaie de contenir, mais des fois tourmente. J'ai ni envie de parler, ni de sortir, ni de voir du monde. Pourquoi tu m'appelles? Tu sais très bien, yeah. J'ai deux faces comme les autres rêveurs, j'alterne selon le jour, mm. Sur le chemin de ton trésor, mes rêves et mes yeux s'embourbent, ouais, ouais, ouais. Mais je peux pas me fier juste à la beauté de la devanture, de la devanture. Yeah. Car l'enfer c'est pas juste la chaleur, c'est le feu dans le four. Tu te rappelles quand on marchait le soir à deux dans le bourg. Maintenant j'ai des nœuds dans le ventre et les yeux dans le flou. Je descends toute la liqueur juste pour avoir l'air confiant si je te croise. Je peux pas te garantir que je serai stable un jour, mon amour. J'suis dans une tourmente bizarre, ces derniers temps tourmente. Y'a des trucs que j'essaie de contenir, mais des fois tourmente. J'ai ni envie de parler, ni de sortir, ni de voir du monde. Pourquoi tu m'appelles? Tu sais très bien que j'sais pas dire non. J'suis dans une tourmente bizarre, ces derniers temps tourmente. Y'a des trucs que j'essaie de contenir, mais des fois tourmente. J'ai ni envie de parler, ni de sortir, ni de voir du monde. Pourquoi tu m'appelles? Tu sais très bien. J'entends des déjà le son des cloches.